Des dizaines de jeunes manifestants ont manifesté contre le gouvernement Macron et sa réforme des retraites devant la mairie de Paris, jeudi à la suite d'un appel de plusieurs syndicats de jeunes et d'étudiants. Des images montrent des manifestants brandissant des banderoles et scandant des slogans contre le gouvernement. Nous demandons une autre entreprise, une société libérée de toute cette logique d'exploitation où d'un côté, on dit aux vieux, vous travaillerez plus longtemps, et de l'autre, aux jeunes, surtout dans l'école professionnelle. Vous travaillerez gratuitement pendant 6 mois pour les patrons, a déclaré Matisse, étudiant et membre du nouveau parti anticapitaliste. André, un professeur à la retraite, a déclaré, ils, les étudiants, sont conscients de la situation. Ils sont conscients du présent, évidemment, mais aussi de ce qui les attend, que ce soit les salaires de misère, que ce soit la précarité, que ce soit dans plusieurs décennies, peut-être une retraite, mais quelle sera cette retraite? D'énormes manifestations et grèves ont eu lieu ces derniers mois contre les modifications apportées par le gouvernement au système de retraite, notamment le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Macron a signé des plans le mois dernier après l'approbation de la plus haute cour constitutionnelle du pays et a annoncé un plan d'action national de 100 jours qui, espère-t-il, unira le pays. Les organisations de travailleurs ont juré de poursuivre les manifestations qui se sont intensifiées après que Macron ait forcé ses plans en utilisant des pouvoirs spéciaux pour éviter une défaite potentielle à l'Assemblée nationale. Afrique Média, le monde, c'est nous.